En Corée, des réalisations sont enregistrées tous les jours dans le rétablissement des régions sinistrées du nord de la province du Hamgyong du Nord. À la ville de Faedong, les militaires de l'armée populaire de Corée ont terminé dans un bref délai l'excavation de terre pour les fondations des maisons à étage et sans étage de presque 1800 foyers et ont dépassé 90% du bétonnage des fondations. À l'arrondissement d'Anson, on pousse simultanément le murage des maisons à étage des centaines de foyers par la coopération militaro-civile. À l'arrondissement de Yunsan, les membres de la troupe de choc de la province du Hamgyong du Nord ont achevé le bétonnage des fondations des maisons de plus de 1100 foyers et commencé la construction des murs. À l'arrondissement de Musan, la brigade du ministère des Transports routiers et maritimes de la troupe de choc de la construction de l'avenue Lyumyong accélère le plâtrage de l'extérieur après avoir achevé en 10 jours depuis le commencement des travaux la construction de l'ossature d'un immeuble à 2 étages.